Ça, c'est difficile à dire. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat sportif est peut-être sans doute plus mis en avant que son engagement politique. Il n'empêche que cet engagement politique a été aussi a forgé aussi son image et fait que c'est aussi aujourd'hui sur lui qu'on s'appuie pour le célébrer, quoi. Bien, merci infiniment Johan Fortune, maître de conférence en histoire du sport à l'Université de Rennes 2. Merci pour vos éclairages et vos précisions. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Zatopek, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Nicolas Cazot qui était à la technique aujourd'hui. Merci d'ailleurs à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Simon Maisonneuve, Adrien Cara, Jeanne Maillard et Margot Opinel. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Lecture, Philippe Pierrard. Reportage, Annaëlle Verzo. Réalisation, David Jacques-Boviez, Jérôme Boulet, Fabrice Lègle.